Chapitre 9e. Quand Valentin, de retour au logis, se retrouva en face de sa causeuse, le secret qu'il venait d'apprendre produisit un effet inattendu. En pensant que Madame Delaunay avait mis 6 semaines à faire ce coussin pour gagner 2 louis, et que Madame de Parne l'avait acheté en se promenant, il éprouva un serrement de cœur étrange. La différence que la destinée avait mise entre ces deux femmes se montrait à lui en ce moment sous une forme si palpable qu'il ne put s'empêcher de souffrir. L'idée que la marquise allait arriver, s'appuyer sur ce meuble et traîner son bras nu sur la trace des larmes de la veuve fut insupportable au jeune homme. Il prit le coussin et le mit dans une armoire. « Qu'elle en pense ce qu'elle voudra, se dit-il. Ce coussin me fait pitié et je ne puis le laisser là. » Madame de Parne arriva bientôt après et s'étonna de ne pas voir son cadeau. Au lieu de chercher une excuse, Valentin répondit qu'il n'en voulait pas et qu'il ne s'en servirait jamais. Il prononça ces mots d'un ton brusque et sans réfléchir à ce qu'il faisait. « Et pourquoi ? » demanda la marquise. « Parce qu'il me déplaît. »« En quoi vous déplaît-il ? » ?»« Vous m'avez dit le contraire ce matin même. »« C'est possible. Il me déplaît maintenant. »« Combien est-ce qu'il vous a coûté ?»« Voilà une belle question, » dit Madame de Parne. « Qu'est-ce qui vous passe par la tête ?» Il faut savoir que depuis quelques jours, Valentin avait appris de la mère de Madame Delaunay qu'elle se trouvait fort gênée. Il s'agissait d'un terme de loyer à payer à un propriétaire avare qui menaçait au moindre retard. Valentin, ne pouvant faire, même pour une bagatelle, des offres de service qu'on n'eût pas voulu entendre, n'avait eu d'autre parti à prendre que de cacher son inquiétude. D'après ce qu'avait dit le garçon du père de famille, il était probable que le coussin n'avait pas suffi pour tirer la veuve d'embarras. Ce n'était pas la faute de la marquise, mais l'esprit humain est quelquefois si bizarre que le jeune homme en voulait presque à Madame de Parne du prix modique de son achat et sans s'apercevoir du peu de convenance de sa question. « Cela vous a coûté 40 ou 50 francs, » dit-il avec amertume. « Savez-vous combien de temps on a mis à le faire ?»« Je le sais d'autant mieux, » répondit la marquise, « que je l'ai fait moi-même. Vous ? Moi et pour vous. J'ai passé 15 jours. » Voyez si vous me devez quelque reconnaissance. 15 jours, madame, mais il faut 2 mois, et 2 mois de travail assidu pour terminer un pareil ouvrage. Vous mettriez 6 mois en venir à bout si vous l'entrepreniez. Vous me paraissez bien au courant. D'où vous vient tant d'expérience? D'une ouvrière que je connais, et qui certes ne s'y trompe pas. Eh bien, cette ouvrière ne vous a pas tout dit. Vous ne savez pas que pour ces choses-là, le plus important, ce sont les fleurs. Et qu'on trouve chez les marchands des canevas préparés, où le fond est rempli. Le plus difficile reste à faire, mais le plus long et le plus ennuyeux est fait. C'est ainsi que j'ai acheté ce coussin, qui ne m'a même pas coûté 40 ou 50 francs, car ce fond ne signifie rien. C'est un ouvrage de manœuvre pour lequel il ne faut que de la laine et des mains. Le mot de manœuvre n'avait pas plu à Valentin. « J'en suis bien fâché, » répliqua-t-il, « mais ni le fond ni les fleurs ne sont de vous. « Et de qui donc? Apparemment de l'ouvrière que vous connaissez? Peut-être. » La marquise sembla hésiter un instant entre la colère et l'envie de rire. Elle prit le dernier parti et se livrant à sa gaieté. « Dites-moi donc, » s'écria-t-elle, « dites-moi donc, je vous prie, le nom de votre mystérieuse ouvrière qui vous donne de si bons renseignements. Elle s'appelle Julie, » répondit le jeune homme. Son regard, le son de sa voix rappelèrent tout à coup à Madame de Parne qui lui avait dit le même nom le jour où il avait parlé d'une veuve qu'il aimait. Comme alors, l'air de vérité avec lequel il avait répondu troubla la marquise. Elle se souvint vaguement de l'histoire de cette veuve qu'elle avait prise pour un prétexte, mais répétée ainsi, ce nom lui parut sérieux. « Si c'est une confidence que vous me faites, » dit-elle, « elle n'est ni adroite ni polie. » Valentin ne répondit pas. Il sentait que son premier mouvement l'avait entraîné trop loin, et il commençait à réfléchir. La marquise, de son côté, garda le silence quelque temps. Elle attendait une explication, et Valentin songeait aux moyens d'éviter d'en donner une. Il allait enfin se décider à parler et essayer peut-être de se rétracter quand la marquise, perdant patience, se leva brusquement. « Est-ce une querelle ou une rupture ? » demanda-t-elle d'un ton si violent que Valentin ne put conserver son sang-froid. « Comme vous voudrez, » répondit-il. « Très bien, » dit la marquise, et elle sortit. Mais 5 minutes après, on sonna à la porte. Valentin ouvrit et vit Madame de Parne, debout sur le palier, les bras croisés, enveloppée dans sa mantille et appuyée contre le mur. Elle était d'une pâleur effrayante et prête à se trouver mal. Il la prit dans ses bras, la porta sur la causeuse et s'efforça de l'apaiser. Il lui demanda pardon de sa mauvaise humeur, la supplia d'oublier cette scène fâcheuse et s'accusa d'un de ces accès d'impatience dont il est impossible de dire la raison. « Je sais ce que j'avais ce matin, lui dit-il. Une fâcheuse nouvelle que j'ai reçue m'avait irrité. Je vous ai cherché querelle sans motif. Ne pensez jamais à ce que je vous ai dit que comme un moment de folie de ma part. » « N'en parlons plus, dit la marquise revenue à elle, et allez me chercher mon coussin. » Valentin obéit avec répugnance. Madame de Parme jeta le coussin à terre et posa ses pieds dessus. Ce geste, comme vous pensez, ne fut pas agréable au jeune homme. Il fronça le sourcil malgré lui et se dit qu'après tout, il venait de céder par faiblesse à une comédie de femme. Je ne sais s'il avait raison, et je ne sais non plus par quelle obstination puérile la marquise avait voulu, à toute force, obtenir ce petit triomphe. Il n'est pas sans exemple qu'une femme, et même une femme d'esprit, ne veuille pas se soumettre en pareil cas. Mais il peut arriver que ce soit de sa part un mauvais calcul, et que l'homme, après avoir obéi, se repente de sa complaisance. C'est ainsi qu'un enfantillage devient grave, quand l'orgueil s'en mêle, et qu'on s'est brouillé quelquefois pour moins encore qu'un coussin brodé. Tandis que Madame de Parme, reprenant son air gracieux, ne dissimulait pas sa joie, Valentin ne pouvait détacher ses regards du coussin, qui, à dire vrai, n'était pas fait pour servir de tabouret. Contre sa coutume, la marquise était venue à pied, et la tapisserie de la veuve, repoussée bientôt au milieu de la chambre, portait l'empreinte poudreuse du brodequin qu'il avait foulé. Valentin ramassa le coussin, l'essuya et le posa sur un fauteuil. « Allons-nous encore nous quereller ?» dit en souriant la marquise. « Je croyais que vous me laissiez faire et que la paix était conclue. Ce coussin est blanc, pourquoi le salir ? Pour s'en servir, et quand il sera sale, Mademoiselle Julie nous en fera d'autres. « Écoutez-moi, madame la marquise, dit Valentin, vous comprenez très bien que je ne suis pas assez sot pour attacher de l'importance à un caprice ni à une bagatelle de cette sorte. S'il est vrai que le déplaisir que je ressens de ce que vous faites puisse avoir quelque motif que vous ignorez, ne cherchez pas à l'approfondir. Ce sera le plus sage. Vous vous êtes trouvé mal tout à l'heure. Je ne vous demande pas si cet évanouissement était bien profond. Vous avez obtenu ce que vous désiriez, n'en essayez pas davantage. « Mais vous comprenez peut-être, répondit Madame de Parme, que je ne suis pas assez sotte non plus, pour attacher à cette bagatelle plus d'importance que vous. Et s'il m'arrivait d'insister, vous comprendriez encore que je voudrais savoir jusqu'à quel point c'est une bagatelle. Soit, mais je vous demanderai pour vous répondre si c'est l'orgueil ou l'amour qui vous pousse. C'est l'un et l'autre. Vous ne savez pas qui je suis. La légèreté de ma conduite avec vous vous a donné de moi une opinion que je vous laisse. » Parce que vous ne la feriez partager à personne. Pensez sur mon compte comme il vous plaira, et soyez infidèle, si bon vous semble, mais gardez-vous de m'offenser. C'est peut-être l'orgueil qui parle en ce moment, madame. Mais convenez donc que ce n'est pas l'amour. Je n'en sais rien. Si je ne suis pas jalouse, il est certain que c'est par dédain. Comme je ne reconnais qu'à monsieur de Parme le droit de surveillance sur moi, je ne prétends non plus surveiller personne. Mais comment osez-vous me répéter deux fois un nom que vous devriez taire? Pourquoi le tairai-je quand vous m'interrogez? Ce nom ne peut faire rougir ni la personne à qui il appartient, ni celle qui le prononce. Eh bien, achevez donc de le prononcer. Valentin hésita un moment. Non, répondit-il, je ne le prononcerai pas, par respect pour celle qui le porte. La marquise se leva à ces paroles, serra sa mantille autour de sa taille et dit d'un ton glacé. « Je pense qu'on doit être venu me chercher. Reconduisez-moi jusqu'à ma voiture. »